Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, un film français avec un très bon casting. Xavier Alvarez est un petit architecte d'Aix-en-Provence en recherche perpétuelle de reconnaissance sociale. Il s'est fait tout seul et prospère, mais ne parvient pas à décrocher de gros marchés publics pour assouvir ses rêves de grandeur. Il décide donc de se lancer corps, âme et bien dans la campagne de Vincent Cluzel, le candidat outsider à la mairie, persuadé qu'il renverra l'ascenseur en cas de victoire. Atteindre ce niveau de réussite depuis l'enfance, c'était mon but. Mais pour être vraiment quelqu'un, il fallait gagner un chantier public. Des bruits couraient sur les magouilles dans l'attribution des marchés publics. Pour l'emporter un jour, il allait me falloir autre chose que ma bonne volonté. Voilà un homme qui pourrait vous aider. Il se présente à la mairie. Il me fallait des contacts avec des élus locaux, j'avais pas le choix. Alors j'ai harcelé son assistant, j'ai arraché mon premier rendez-vous. Si vous avez un peu de temps à consacrer à un outsider, welcome. Si ça vous tente, évidemment. S'il est élu, qu'est-ce qu'il prend le maillot jaune? Bibi. Je m'occupe de Vincent Cluzel, comme convenu pour votre travail. C'est votre argent, ça? 3500 personnes, 23 journalistes. Merci pour avoir pris tout le meeting à ta charge. Les Cluzel m'acceptaient parmi eux. C'est moi qui payais tout. On a gagné ! Je suis le conseiller spécial du nouveau maire. Désolé, vous n'êtes pas sur la liste. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Je n'ai pas ce droit et les privilèges, j'étais l'ancienne équipe. La Sainte Victoire, un film de François Favreau avec Christian Clavier et Clovis Cornillac, un DVD Warner Home Video.